Chapitre 5e. Naturellement, la jolie valseuse d'Arthur ne retarda pas son mariage d'un jour. Le surlendemain, Sainte-Clotilde retentit de tous les chants d'allégresse. Les bains duchesses étaient là pour s'amuser du spectacle. Les reporters comptèrent le menu et effeuillèrent, pour la curiosité des curieux, toutes les fleurs d'innocence de la mariée. Mais ce qu'ils ne dirent pas, je vais le dire. Pendant la messe, une duchesse demanda à son Sigisbée pourquoi Laure était si pâle et si émue, elle qui n'avait peur de rien. C'est que Mademoiselle de Montaignac, jetant un rapide regard sur tous ceux qui étaient de la fête, avait reconnu Arthur Dupont, quoiqu'on l'eût enterré la veille. C'était bien lui, cravate blanche, redingote noire, lorgnon dans l'œil, sourire sur les lèvres. « C'est singulier, » dit-elle. « Quand on a une image dans la tête, on l'a dans les yeux. » Mais un moment après, comme son fiancé lui présentait l'anneau nuptial, elle poussa un cri car elle reconnut dans son fiancé Arthur Dupont. C'était lui, toujours lui. Il se détourna et laissa tomber l'anneau nuptial qu'il avait mis au doigt. « Vision !» dit-elle en dominant son émotion. En effet, la figure du mort avait disparu sous celle du vivant. Laure eut une demi-heure de calme, mais dans la sacristie, quand tout le monde vint la féliciter, elle vit passer dans le premier groupe de ses amis Arthur Dupont, plus enjoué que jamais. « Ah ! » dit-elle, « c'est une obsession !» Après la messe, un lunch, avant que les époux prissent le train de Venise. Comment se fit-il qu'au milieu des violettes et des rosetés, sur un surtout sculpté et ciselé par un maître anonyme, elle vit la tête d'Arthur Dupont. Elle détourna les yeux. Une seconde fois, elle vit ce visage exsangue, les yeux ouverts. Il semblait qu'il la regardât avec une désolation railleuse. Elle ne put s'empêcher de dire à son mari « Voyez donc !» Mais elle ne vit plus que des rosetés et des violettes. Le soir, on coucha à Fontainebleau, où déjà les attendaient le valet de chambre et la femme de chambre. On avait fait un grand feu dans une chambre à coucher, qui portait le nom de chambre nuptiale, parce qu'elle abritait je ne sais combien de jeunes épousés. Ah, les horribles chambres nuptiales que ces salles d'auberge que choisissent aujourd'hui les mariés de haut parage, ceux-là qui ont des hôtels et des châteaux. Mademoiselle de Montaignac se résigna à la mode, tout en regrettant son adorable cabinet de toilette, qui eût empêché Ève d'écouter le serpent. Elle se déshabilla lentement, comme une jeune fille qui fait tomber à ses pieds, une à une, deux par deux, toutes ses illusions. Laure avait oublié les visions funèbres quand tout à coup, elle entendit marcher derrière elle. La chambre était dans le demi-jour. Elle se retourna. « Ah !» s'écria-t-elle avec terreur. C'était Arthur. Toujours Arthur. Il venait, souriant, une fleur d'oranger à sa boutonnière. Laure s'était jetée de côté, plus morte que vive. Mais le mort souriait toujours. Il remua les lèvres, mais il ne parla point. La mariée, dans l'épouvante, avait mis ses mains sur ses yeux. Quand elle les rouvrit, elle reconnut que ce n'était plus Arthur. Son mari lui prit doucement la main et l'appuya sur son cœur. « Ah, j'ai peur !» dit-elle. Les bougies s'éteignirent. La femme de chambre, l'oreille à la porte, entendit par intermittence ces paroles de terreur passionnée. « Oh, mon ami, aimez-moi toujours, reprenez-moi dans vos bras !» Mademoiselle de Montaignac ne voulut pas s'appeler Madame Dupont. Mais celle de ses amies qui m'a conté l'histoire m'a dit en riant « Arthur lui apparaît si souvent la nuit que son premier enfant sera un Dupont. »